France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Devenue depuis prix Nobel de littérature, Svetlana Alexievitch publiait en 2013 « La fin de l'homme rouge » ou « Le temps du désenchantement », dernière pierre de sa monumentale chronique des gens ordinaires de la grande utopie, une œuvre de 30 ans témoignant du bilan globalement catastrophique des 70 années d'existence de l'URSS. Avec la fin de l'homme rouge, Svetlana Alexievitch mettait à jour les vestiges de la civilisation soviétique ensevelie sous les mots des centaines de ceux dont elle avait recueilli des témoignages pour composer ce livre polyphonique qu'elle appelait un roman de voix. Dans son introduction, elle écrivait sur sa méthode de travail. « Je pose des questions, non sur le socialisme, mais sur l'amour, la jalousie, l'enfance, la vieillesse. » Sur la musique, les danses, les coupes de cheveux. Sur les milliers de détails d'une vie qui a disparu. C'est la seule façon d'insérer la catastrophe dans un cadre familier et d'essayer de raconter quelque chose, de deviner quelque chose. Le 5 mai 2013, sur France Culture, Svetlana Alexievitch était l'invitée de la grande table de Caroline Brouet pour parler de La fin de l'homme rouge, un livre récompensé du prix Médicis Essai. Bonjour madame et bienvenue à la grande table. Vous êtes journaliste et romancière, vous êtes née en Ukraine, mais vous avez grandi en Biélorussie, où vous vivez maintenant, à Minsk. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres qui ont marqué les consciences. On peut citer parmi ces livres « La guerre n'a pas un visage de femme » en 1985, sur la Deuxième Guerre mondiale, un livre qui fut un best-seller soutenu par Gorbatchev, même si vous avez été dénoncée comme antipatriotique, comme naturaliste, comme dégradante. Suivirent en 1989 les cercueils de zinc sur la guerre d'Afghanistan, qui fut adaptée en France au théâtre par Didier-Georges Gabili, Ensorcelée par la mort en 1993, sur les suicides qui ont suivi la chute de l'URSS, La supplication en 1997 sur Tchernobyl. Et vous publiez aujourd'hui en France un livre qu'on peut qualifier d'événement, un livre qu'il faut absolument lire, à notre sens, ici en tout cas à la grande table, non seulement pour la beauté de sa langue, il a été traduit formidablement du russe par Sophie Benesch, mais aussi pour la puissance de son récit. Ce livre s'intitule « La fin de l'homme rouge » ou « Le temps du désenchantement » et c'est les éditions Actes Sud qui ont choisi de traduire ce livre. Pour traduire vos propos, se trouve à vos côtés Rachid Yamboukine, que je salue à l'occasion. Et pour vous interroger, aux côtés de Frédéric Mettezo et de moi-même, nous avons proposé à Annie Daubenton, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et essayiste. Nous avons proposé de venir ici. Vous êtes une spécialiste de l'Ukraine. Vous avez vécu 4 ans en Ukraine comme conseiller culturel à l'ambassade de France à Kiev de 98 à 2001. Vous avez passé 4 ans, c'était avant, à Moscou, comme correspondante permanente pour Radio France de 93 à 97. Donc c'est une région, disons, que vous connaissez bien. Et puis nous avons aussi proposé à l'ami et complice Pascal Horry, historien des idées, historien de la culture du XXe siècle, de venir de lire votre livre, ce qu'il a fait consciencieusement, je crois, et de vous poser toutes les questions qu'il souhaite vous poser également. Svetlana Alexievitch, ce livre, La fin de l'homme rouge, c'est le fruit d'un patient travail de recueil de voix que vous avez compilé. Vous êtes allé dans la rue, dans plusieurs pays de l'ex-URSS, avec un magnétophone, avec un stylo, et vous êtes allé à la rencontre d'hommes et de femmes de la rue. C'est un travail que vous avez commencé il y a longtemps, en 1991, je crois. Est-ce que vous aviez, quand vous avez commencé, une intention particulière? Ну, уже больше 30 лет я пишу историю вот этой страны, красной цивилизации, которая существовала такое время. Depuis plusieurs années déjà, j'ai décrit l'histoire de la... Oui, ça va, je vous entends. Je décris l'histoire de cette civilisation rouge qui a existé. И это 5 книг, и это завершающая книга. Il s'agit donc de 5 livres, ceci est le dernier de la série. Пала – это Красная империя, и на этом огромном пространстве произошли тоже donc, очень большие изменения. L'Empire rouge est tombé, il y a beaucoup de changements qui ont eu lieu sur Наивно, l'espace в 90-е годы мы представляли себе, Dans les années 90, наивement, on pensait qu'on allait arriver à une nouvelle vie. Que ça ressemblerait à des rêves qu'on avait lorsqu'on se réunissait dans les cuisines russes pour en discuter, mais la réalité a été tout autre. Donc en fait, c'est un peu la conclusion de toute cette encyclopédie que j'ai écrite sur l'histoire de cette civilisation rouge. Je pense que cet essai, cette expérience rouge ne doit pas disparaître. Si il y a 20 ans, on pensait que le communisme était parti pour toujours, mais maintenant je vois que des jeunes gens à nouveau se penchent sur les livres de Marx, et donc il y a comme un second souffle qui existe aujourd'hui concernant les idées communistes. D'où ça peut venir? Je pense que depuis 20 ans... pas réussi à faire ce qu'on a promis à nos enfants, ce qu'on devait faire. Cela n'a pas été fait. Donc, tout à l'heure, on a discuté de la Syrie. Donc, ça confirme encore une fois qu'au lieu d'approcher la paix, d'aller vers la paix, nous nous éloignons de la paix. Donc en fait, il ne s'agit pas tout simplement de témoignages documentaires. C'est une nouvelle forme, en fait, c'est le roman de diverses voix. Le roman vocal. Donc j'ai, pendant presque 30 ans, j'ai réuni ces informations pour savoir comment ces gens-là ont vécu, comment ils s'entretuaient. Maintenant, c'est un livre, effectivement, est très difficile parfois à comprendre parce que cet ancien espace soviétique, il s'est fragmenté, s'est effondré, il est devenu très différent. Donc, c'est pour cela que de compiler toutes ces informations en un livre, c'était un travail très difficile. Mais j'ai voulu rendre ce chaos, cette espèce de chaudière russe, nouvelle chaudière russe, avec ce qu'il y a dedans, et la chaudière qui peut imploser, exploser à nouveau, à tout moment. Svetlana Alexievitch, vous avez évoqué en début de propos les cuisines russes et vous parlez beaucoup de ces cuisines dans votre livre qui était un peu au cœur de cet habitat collectif aujourd'hui disparu, un habitat collectif qui a aussi façonné l'Homo Sovieticus. Les cuisines, c'est un endroit très sympathique, en effet. C'était un endroit où on se plaisait beaucoup à y être. On parlait d'une Russie, d'un pays qui n'existait pas, en fait. Не было такой Белоруссии, не было такой России, о которой мы говорили на кухне. Была совсем другая страна. Donc, les choses dont on parlait, c'était un pays complètement différent. On parlait pas de la Russie ou de la Biélorussie qui existe maintenant. И когда мы вышли из кухни, это обнаружилось. Et lorsqu'on avait quitté enfin ces cuisines, on a réalisé que, effectivement, on avait tort, on a parlé d'autre chose. Le pouvoir a été accaparé par des voyous, par des voleurs, par des personnes complètement différentes qui n'avaient rien à voir avec les intellos qui discutaient dans les cuisines. Et ce qui s'est passé, c'est que non seulement le pouvoir est devenu complètement étranger à tous ces gens-là, mais aussi le peuple lui-même est devenu complètement indifférent à ce pouvoir en place. Peut-être, justement, ce n'est que maintenant, actuellement, un moment est arrivé, le temps est arrivé, où les gens commencent à nouveau à comprendre pourquoi, finalement, il ne s'est rien passé. Parce que, effectivement, il n'y a plus cet état d'esprit, comme dans les années 90, lorsqu'on attendait que d'un moment à l'autre, on allait nous amener au paradis. Il y avait des bus qui arrivaient pour nous amener au paradis. Donc ceci n'a pas eu lieu. Annie de Menton. Oui, d'abord, je voudrais dire à nouveau la richesse et le caractère exceptionnel de ce travail. On n'a jamais vu un sociologue multiplier les voix, les approches, les cultures, les cultures ethniques différentes à ce point-là. L'ouvrage est épais. On ne s'y perd jamais parce que on suit chacun des personnages que vous avez rencontrés. Et donc il y a deux choses qui m'ont frappé plus que tous parce que chaque page est en soi une histoire avec un petit H comme vous dites, et le prix à payer pour la grande histoire, c'est la guerre. Mais deux choses sont frappantes, c'est la liberté de parler. Et le besoin de parler, ce besoin finalement de, à la fois de confession, mais au sens pas de punition ou de se faire pardonner, mais ce débordement de choses non dites qui ont été prescrites par le régime et qui doivent se dire au moment où finalement on va quitter la vie ou bien on va quitter ce que vous appelez la civilisation. Et ça, peut-être, nous allons en reparler. Et la deuxième chose que je me permettrai de souligner, c'est le caractère grave et quand même extrêmement triste de ce bilan. C'est vrai qu'il parle de civilisation, on pense un peu naïvement peut-être au trésor, les trésors de la civilisation, les trésors que cette civilisation nous a laissés. Et finalement, on a le sentiment que là, ce ne sont que les larmes qui sont restées. Mais peut-être j'exagère un peu. Alors, Svetlana Alexievitch, sur la liberté, le besoin de parler, c'est vrai qu'on a envie de vous demander comment vous les avez amenés à se confier à ce point et qu'on se dit que ça n'a pas dû être difficile tant il y a un débordement de paroles. Et puis sur la gravité, sur la tristesse, la forme, est-ce que c'est un requiem ? Что это реквием какой-то. Ну, вы знаете, вот эти голоса людей, которые рассказывают свою жизнь. Les voix de ces gens-là, de tous ces gens-là qui racontent leur vie. Они мне знакомы с детства. Ces voix me sont connues depuis mon enfance. Я выросла в Беларуси. Je suis hanté par ces voix. Donc, и это всегда особенно женщины. J'ai été élevé dans une campagne, dans un village belarusse. Les femmes qui m'entouraient, ils parlaient sans cesse de tous ces sujets, de tous ces problèmes. C'est une, effectivement, civilisation de pleurs et de souffrances, mais en fait, c'est aussi un piège dans lequel on ne peut pas rester longtemps, il ne faut pas rester longtemps, il faut s'en sortir vers quelque chose de positif, vers une... vision véridique de ce qu'on est réellement. Donc nos élites enfin devraient cesser de se taire pour avouer qu'ils ont cédé, qu'ils n'ont pas pu arriver au pouvoir, que le pouvoir a été confisqué. Et lorsque je terminais ce livre, ce travail très long, et surtout dans ce dernier livre, je voulais que la société en parle et qu'un vrai dialogue commence, une vraie conversation commence dans le pays, dans la société. Parce qu'on ne peut pas rester éternellement dans cet état de pleurs, de ces souffrances continues, de se complaire dans cette souffrance. Même maintenant, effectivement, il y a l'idée de à nouveau criminaliser les gens qui disent quelque chose qui va à l'encontre de ce que le pouvoir raconte sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, à nouveau, tout ceci témoigne de l'incapacité de créer une civilisation de liberté. Et je pense que lorsque j'ai parlé de tout ce chaos, de ces cris, de ces voix, de tout cet espace slave, par exemple, si vous voulez, ceci a été écrit par moi uniquement pour qu'on se réveille enfin et on cesse de pleurnicher, pleurer. Parce que, en fait, pendant toutes ces années, soit on faisait la guerre, on se préparait à la guerre, on était resté 20 ans sous les débris de l'Empire rouge depuis 90, donc nous sommes toujours remplis de haine, de préjugés, toutes ces lois inhumaines qui sont votées maintenant, effectivement, prouvent que nous ne sommes toujours pas doués pour la liberté, nous ne la connaissons pas toujours. Mais Svetlana Alexievitch, est-ce que vous diriez que ce ressentiment, cette souffrance, ces larmes dont vous parlez, même parfois vous dites pleurnicher, s'adapterait à toute la population? Est-ce que cette homo d'aujourd'hui ne ferait qu'un? Tout à l'heure, Frédéric Mettezo évoquait cette génération que vous appelez des cuisines, née dans les années 60. Mais il est question d'une autre génération dans votre livre, née après, les enfants de cette génération-là. Est-ce que ces larmes sont valables pour toute la population que vous avez rencontrée ou seulement pour les plus anciens? Касается всего, всех поколений. Нет, я бы не сказала. Это, наверное, можно говорить о советских людях. Je pense que là, il s'agit principalement Когда едешь по этой огромной стране, то первое, о чем говорит это советское поколение, что страну разделили без них. Donc cette génération soviétique, il a l'impression que ces gens-là qui appartiennent à cette génération, ils ont l'impression que le pays a été partagé, a été pillé sans eux, en dehors de leur participation, et que ceci a été donc transféré dans les banques, offshore, etc. Et aujourd'hui, la notion de l'homme pauvre ne veut rien dire. Et c'est pour ça que les gens regrettent la perestroïka, mais moi je pense qu'il fallait faire la perestroïka, mais il faut savoir pourquoi après on a gaspillé les 20 années qui ont suivi, que nous les avons gaspillées, nous les avons ratées, comment nous avons laissé le pouvoir aux bandits. И поэтому я бы хотела, чтобы эта книга проснулась это сознание. Тем более молодые люди сейчас, они тоже очень разные. La conscience des gens, surtout les jeunes gens sont très différents aussi. Il y en a certains qui replongent dans les livres de Marx, puis les autres en 2011 par exemple, ils sont sortis, sont descendus dans la rue pour dire qu'on veut une autre vie. Donc il y a une nouvelle génération qui a grandi. Мечтает о другой революции. Рев дюн отре революцион. Опять забрать и все разделить. Mais c'est il rêve pas d'une révolution communiste pour confisquer d'abord et après partager. Non, c'est une révolution pour que la Russie ressemble enfin au reste du monde. Pascal Aurier. Oui, madame, quand on lit un grand livre, une grande œuvre, et j'ai lu un grand livre grâce à vous. On est très vite convaincu que ce qui est important, c'est moins ce qu'on dit que la manière dont on le dit. Et puisqu'on est à la radio, d'une certaine façon, c'est un livre radiophonique extraordinaire, puisque ce sont des voix, des centaines de voix, montées, mixées par vous. Et alors, je me suis toujours interrogé en tant qu'historien, historien de la culture, puisque vous rendez hommage à Verinzev, etc., dans votre livre, sur le genre que vous assumez et la manière dont vous vous considérez sans doute comme écrivain et héritière sans doute de la très grande littérature russe, en particulier de Dostoïevski, mais pas seulement. Parce que, voilà la citation, vous intervenez peu directement, mais là vous intervenez, vous dites à un certain moment que vous n'aviez pas allumé votre magnétophone afin de saisir le moment, je vous cite, que je guette toujours dans toutes les conversations, celui où la vie toute simple, se transforme en littérature. Vous pouvez nous expliquer? Ну, конечно, иногда мне задают вопрос, что меня как бы нет в книгах. Это неправда. On me pose la question. On me demande pourquoi moi j'existe pas moi-même dans les livres. Moi, je donne la voix à ceux qui ont toujours été sans voix. Je donne la parole à ces gens-là. Donc, et moi, je suis présent dans ce qu'ils disent. Parce que pouvoir écouter ou entendre quelque chose de nouveau, il faut poser la question d'une façon, d'une nouvelle façon, en quelque sorte. Donc, je ne collectionne pas des monstruosités ou des histoires atroces. Moi, je collectionne les sentiments des gens, les émotions des gens. Et меня интересует то, как я его называю домашний социалист, то как социалист жил человеческой душой. Moi, en fait, ce qui m'intéresse en l'occurrence, c'est le socialisme domestique à l'intérieur des appartements, des cuisines. Le socialisme officiel sur les grandes places, dans les rues, ça m'intéresse pas, dans les manifestations, etc. Donc, ça m'intéresse comment le socialisme a pénétré dans l'âme des gens, dans l'âme des hommes. Et moi, personnellement, je me suis intéressé beaucoup au fait que dans la vie, le mal chimiquement pur n'existe pas. Le mal, il est un petit peu dissipé, diffusé dans la vie. Par exemple, voilà, on cite souvent l'archipel de Goulag. Оказывается, тоже может быть домашним. L'archipel, le goulag peut être aussi à l'intérieur des gens, à l'intérieur de la famille, à l'intérieur de l'appartement. Par exemple, j'ai discuté une fois avec une femme, et elle me dit qu'elle a dénoncé son frère qui, à cause de ça, était envoyé dans les camps et est mort dans les camps. Так что вот Сталин это и Сталин архипелаг ГУЛАГ это и Сталин. Quand on parle de l'archipel de ГУЛАГ, il s'agit effectivement du système stalinien, mais en même temps c'est Staline, mais en même temps c'est cette jolie femme qui a dénoncé son propre frère qui a fini au camp à cause de ça. Donc et je m'intéresse comment l'homme peut en fait descendre comme ça aussi bas. Так что и в книге рассказ не только вот Et donc dans ce livre, je ne parle pas seulement de... Il n'y a pas une idée particulière. Moi, je pense des gens, comment ils ont dansé, comment ils ont aimé, comment ils ont mangé, comment ils ont bu. Je pense que si j'arrive à réunir tous ces détails... Je peux voir comment les choses peuvent pénétrer dans le cœur des gens et comment, une fois que j'ai expliqué ça, les autres peuvent commencer à y penser, à y réfléchir aussi. Mais en ayant choisi l'intime, l'individuel et d'une certaine façon le spirituel, au fond, vous preniez au sérieux trois valeurs qui étaient niées par l'Union soviétique. C'est exactement l'inverse de l'Union soviétique. Светлана Алексеевич. Да, но вы знаете, что ведь все равно в Советском Союзе это могло отрицаться. En Union soviétique, effectivement, ceci était refoulé, человек же со времен Библии не поменялся. Это было заграно, просто подсознание. Depuis la Bible, par exemple, l'homme n'a pas beaucoup changé. Et même en Union soviétique, tout ceci était tout simplement refoulé. Était renvoyé dans la clandestinité. Donc moi, je voulais quand même en parler pour voir comment l'homme se préservait, comment il luttait avec lui-même, comment il cherchait à rester. Et qui est responsable de ce genre de transformation ? Je pense que l'idée est responsable. C'est par exemple quand je vais dans les musées, je suis toujours frappé par les têtes, par les visages des bourreaux du goulag. Souvent, c'était des gens très inspirés, très beaux. Et ils ressemblaient un petit peu à des saints, les gens qui sont sanctifiés en Russie. Et souvent, j'ai entendu dire que ces gens-là, après, ils souffraient en silence chez eux à la maison, mais ils disaient ça que pour que l'idée triomphe, il fallait qu'ils fassent ça, il fallait qu'ils soient bourreaux. Et moi, j'ai voulu montrer que... Moi, en fait, j'essaie de combler les pages d'histoire qui manquent. Je comble, en fait, ce que les historiens ne font pas, par exemple, ce que l'histoire n'explique pas. Par exemple, nous ne savons rien comment, par exemple, dans la Grèce antique, une mère... accompagner son fils qui partait à la guerre, ou comment, et si ça se trouve, les gens se dénonçaient aussi pendant la guerre. Et donc moi, je voulais transmettre toute cette complexité de la vie qui disparaît sans laisser des traces lorsque l'homme part. Lorsque l'homme s'en va. Et seulement à ce moment-là, une autre personne, un autre homme aussi petit que celui qui est parti, peut se mettre à table, lire un livre, et donc en réfléchir comme d'une expérience de vie. Comme un drame humain, comme dans un drame humain, lorsque l'homme n'a pas pu résister. Et vous écrivez que vous regardez le monde avec les yeux d'une littéraire et non d'une historienne. Frédéric Mettezo. Oui, vous évoquiez tout à l'heure le retour des idées communistes, ou plutôt l'intérêt pour le marxisme dans les jeunes générations d'aujourd'hui. Il y a une formule absolument délicieuse dans votre livre. Un communiste, c'est quelqu'un qui a lu Marx. Un anti-communiste, c'est quelqu'un qui l'a compris. Dans l'URSS... Auprès des personnes que vous avez rencontrées, quelle était leur connaissance réelle de la doctrine de Marx, de l'idéologie communiste ? Vous savez, ma книга называется в русском варианте, она называется Время секонд-хенд. Вот эта книга, а не другая книжка. Эта книга называется Время секонд-хенд. Donc En version russe, ce livre s'appelle « Le temps second hand ». Donc ça veut dire que peut-être le... Les achats d'occasion. C'est une époque d'occasion. Parce qu'en fait, on s'accroche toujours, on s'est accroché à des anciennes histoires, des anciennes idées qui ont eu cours durant l'Union soviétique. Et effectivement, j'ai écrit le livre pour essayer de répondre pourquoi, à la question pourquoi ces idées fonctionnent toujours. Оказывается, свободного человека... Il se trouve que on n'a pas d'espace, on n'a pas de base pour construire un homme véritablement libre. L'homme libre n'existe pas. Il n'existe pas. Nous nous représentons le marxisme d'une façon très simplifiée. J'ai écouté des dizaines de personnes différentes, même ceux qui ont été envoyés dans le goulag. Ils avaient des yeux qui brillaient lorsqu'ils en parlaient. Et si moi je cherchais à les convaincre, à les... Par exemple, ils disaient qu'il faut nous juger selon la logique de la foi, pas selon la logique de l'idéologie. Parce que не дает вот этого свободного человека. Toute expérience, toute notre expérience existentielle ne crée pas un homme libre. Вот, например, мое самое сильное впечатление в 90-х годах. Par exemple, dans les années 90, все говорят о свободе, а свободных людей нет. Tout le monde parlait de la liberté, c'était le mot le très répandu, mais en fait, des hommes libres n'existaient pas. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas un seul homme qui soit libre. Что-нибудь не нравится, к стенке посадить, расстрелять. Dès que, par exemple, quelqu'un était contrarié, tout de suite, il voulait envoyer cette personne en prison, fusiller ou encore pire. La liberté, c'était en même temps avec un arrière-goût très répressif. И никто не говорил о том, что свобода это труд, а не праздник, что это не воля, а это действительно труд. Personne ne disait que la liberté c'est un travail quotidien, que c'est pas une fête, c'est pas une anarchie, c'est pas. Все смотрят на Ельцина и ждут, что Ельцин решит все проблемы. Attendez qu'Eltsine résolve tous les problèmes tout seul. И ничего не поменялось, в общем-то. Et c'est pour ça que rien n'a changé. Annie de Bonton. Alors justement, vous décrivez une société malade, où finalement le nœud de cette un des diagnostics serait que le bourreau et la victime se tiennent la main. Comment sortir de cette danse, si je puis dire, où le bourreau et la victime se tiennent éternellement la main? Svetlana Alexievitch. Вы знаете, это такой вот вопрос очень хороший, потому Это что сколько я ездила, я все время задавала Chaque себе этот quand вопрос. Je partais en voyage pour récolter les informations, je me posais cette question. Donc, и вы знаете, просто без слез, quand j'entendais des gens parler de leur vie, c'était très difficile de de l'écouter Но sans larmes aux yeux. Жизни, mais dès que tu commences à parler de la vie d'aujourd'hui, de Poutine, par exemple, tu vois, c'est à nouveau l'esclave qui se réveille. Et вот я каждый раз уносила новую правду себя вот в диктофоне. И думала, Donc, à chaque fois, je... вот в чем вся проблема. J'enregistrais вот в чем причина нашего ces рабства. Interviews вот sur mon magnétophone. Et à chaque fois, je me rendais compte que c'est, il est bien là-dedans l'origine de notre esclavage. Это... Пourquoi il y a Poutine? Pourquoi il y a Loukachenko en Biélorusse? В Германии через 30 лет элита начала говорить. Quelle est la sortie de cette situation? Au bout de 30 ans, en Allemagne, l'élite a commencé à parler au peuple. Мы должны начать об этом откровенно говорить. Donc je pense que nous aussi, on devrait enfin commencer à parler honnêtement avec le peuple sans s'inventer le passé glorieux ou l'avenir radieux, juste parler le langage de vérité. Donc dire tout simplement que nous sommes tous sortis du goulag. France Culture, la grande table. C'était Svetlana Alexievitch à propos de son livre « La fin de l'homme rouge », invitée de la grande table de Caroline Brouet. Réalisation Somanina, première diffusion le 5 septembre 2013 sur France Culture. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.